Bonjour, je ne sais pas si le son est bon, donc vous me direz ça. Je vois qu'il n'y a personne, il n'y a personne, c'est normal, hein? En pleine semaine comme ça. Donc je vais attendre un petit peu. Le son est correct, là. Ben, je dis ça dans le vide, il n'y a personne. Donc je vais attendre un petit peu. Bon. Mais le son est-tu correct? Est-ce que le son est correct? Est-ce que le son est correct? Bon, je vais l'écrire. OK, bon, on me dit que oui. C'est une mauvaise nouvelle aujourd'hui. J'avais entamé une procédure contre une compagnie qui m'a réellement lésé. Mais pas à peu près, là. Puis le premier procès, je l'ai gagné. Mais le directeur de la compagnie ne s'était pas présenté, puis il avait fourni aucune raison. Puis par après, lui puis son avocate, ils ont déposé une demande de rétractation du jugement que j'avais gagné, sous prétexte que monsieur était atteint du COVID, ce qui est devenu l'excuse dans les tribunaux pour ne pas se présenter. Que monsieur était atteint du COVID et ça ne se tenait pas parce que normalement, il aurait pu être présenté. Bonjour, maman présente. Ben, bonjour à tout le monde. Il aurait pu se présenter avec un intermédiaire. Puis c'est un monsieur qui est multimillionnaire, qui a énormément de moyens, d'ailleurs, qui s'est probablement enrichi dans les 2 dernières années. Puis son excuse tenait absolument pas la route. Bonjour, Lucie. Puis. Donc, j'ai reçu la décision par rapport à sa demande de rétractation. Bon, on va faire un petit peu de lumière. Et la juge, je ne sais pas si c'est par déférence pour le gouvernement ou quoi, mais elle a cru son histoire de COVID, qui tenait absolument pas la route. Puis, ça m'a tellement mis en colère qu'aujourd'hui, je parlais avec mon avocate, puis finalement, j'ai dû me rendre au bureau puis donner des directives par écrit. Possiblement que la compagnie allait me faire une contre-offre de plusieurs milliers de dollars, assez substantielle. Puis pourtant, j'ai rédigé une note demandant au cabinet de cesser toute procédure à son endroit, que monsieur avait gagné, puis de cesser toute procédure à son endroit. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me met tellement en colère que la juge ait marché là-dedans, parce qu'à mes yeux, c'est réellement de la corruption. Ça faisait de la corruption pour avoir cru cette histoire-là de COVID. Il servait du COVID, justement, pour fuir ses responsabilités puis pas se présenter. Juste que la juge ait cru ça, puis qu'elle a accepté la demande de rétractation, moi, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de cette petite gang de tartes-là. Puis je pèse mes mots, c'est vraiment des hosties de tarte. Puis la première juge, je l'ai trouvée très bien. Mais la deuxième, je le savais. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vibration un peu comme Anne-Marie Dussault. C'est-à-dire un hostie de pain bêche, une crise de stock-up. Puis j'ai tout de suite compris qu'au niveau de la déférence puis du psychologique, elle allait se sentir beaucoup plus proche d'un menteur multimillionnaire que d'un petit trou de cul comme moi. Puis juste ça, c'est assez pour que je cesse toute procédure. Puis j'ai plus aucune espèce de confiance. Je veux dire, ça donne quoi? Ça donne quoi? Donc moi, à mes yeux, c'était pas une question d'argent, c'était une question de principe. Puis ce monde-là, ben ils peuvent pas comprendre ça parce qu'ils n'en ont pas de principe. Donc j'ai donné la directive de cesser toute procédure à l'endroit de cette compagnie-là et de son propriétaire. Le directeur général, en tout cas, le bonhomme que bon, disons que c'est une famille qui a pas mal d'argent, puis son père est venu au monde avant lui, puis bon, du monde de même, à un moment donné, c'est correct de les asticoter un petit peu, mais je me suis dit, non, je veux pas négocier avec ce monde-là. Il n'y en est pas question, c'est des hosties de pourris puis des malhonnêtes. Puis je veux rien savoir, mais vraiment à rien savoir. Bon, en tout cas, tous les avocats sont redevables au barreau. Ben oui. Ben oui, puis j'ai bien de la misère à comprendre je veux dire, avec tout ce que j'ai mis là-dedans, l'énergie que j'ai mis, puis l'impression, dans le fond, que mon avocate, dans le fond, elle va tout le temps plier. Puis que, bon, j'ai été quand même correct, là, elle a fait comme elle pouvait, mais il reste que, de la façon qu'elle m'annonçait ça, moi, je lui avais dit que c'est ça qui arriverait, je l'ai senti tout de suite, je le savais. Mais la juge, la deuxième juge, c'était une bonne femme, une espèce de la vraie noblesse de robe, là. Une bonne femme un petit peu froide, puis un petit peu hautaine. Puis je l'ai senti tout de suite que c'est ça que ça ferait. Pourtant, c'est la partie adverse, le défendeur, son excuse, elle tenait absolument pas la route. Il n'y a rien qui se tenait là-dedans. Puis l'avocate, elle a vraiment point par point démontré que ça ne se tenait pas. Puis la juge a quand même accepté la demande de rétractation, puis ça a été ajouté au punitif dernièrement. Je l'ai appris ce matin. Donc, je suis allé carrément à pied au cabinet d'avocat, puis j'ai rédigé une note, comme quoi que je cessais toute poursuite à l'endroit du défendeur, puis c'est ça. Puis c'est certain qu'eux autres, ils comprendront, ils ne comprennent pas, là. Ils ne comprennent pas, parce que j'aurais pu obtenir un règlement pareil, en recours, parce que pour ne pas retourner en procédure, il m'aurait fait une contre-offre, lui. Mais j'en veux pas. J'en veux pas de son... J'en ai assez chié là, avec cette histoire-là, puis j'en veux pas de son esti d'argent qui se le fout dans le cul. De toute façon, il y en a tellement d'argent que s'il fallait qu'il commence à faire ça, ben il ne resterait plus ben de place. À moins qu'il s'achète de la coke puis qu'il se mette de la coke dans le cul comme Johnny Hallyday. Mais il reste que, personnellement, du monde de même, je ne veux plus avoir affaire à ça. Puis je le sais que dans le futur, je vais encore avoir affaire à ça. Mais il reste que on vit dans une société qui est tellement corrompue, notamment au niveau psychologique, par de la déférence, par de l'impression, par des choses comme ça, qu'on vient que... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis ça fait des années que je le dis, vous voulez qu'on fasse quoi, dans le fond? Alors regardez, là, en ce moment, dans les pharmacies, il y a une pénurie de médicaments pour les tout-petits. C'est clairement une pénurie qui est faite artificiellement pour faire monter les prix, pour suivre, dans le fond, aller un petit peu plus vite que l'inflation. Est-ce que vous avez vu des organismes de protection du consommateur qui enquêtent sur ça? Ben non, il n'y en aura pas non plus. Pourtant, vous regardez les articles de journaux, bon, il y a une pénurie, blablabla, bla, bla. Puis nulle part on nous explique comment est-ce que c'est possible, en quoi est-ce que la guerre en Ukraine ou le COVID va créer à ce temps-ci de l'année, cette année, maintenant, une pénurie de médicaments pour les tout-petits. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis ça vous montre à quel point c'est pourri jusqu'à l'os. Alors, regardez, là... ce qui est arrivé dans les CHSLD, qui ont enlevé la vitamine D, qui ont enlevé le zinc, qui ont augmenté, au contraire, les barbituriques, puis ils ne veulent pas d'enquête publique. Puis Legault est encore le plus haut dans les sondages, nous dit-on. Puis il n'y a personne qui dit rien. C'est parfaitement normal. Bon, ben ça, des affaires de même, moi, je ne peux pas tout seul me battre contre ça, là. Dans le sens que c'est un esprit, c'est une façon de voir puis de penser d'animaux qui sont liés à un instinct de prédation et de survie. Puis dans le fond, qu'ils n'en ont pas de cœur, ils n'en ont pas de sentiment, ils n'en ont pas de principe. Si au moins, vous savez, anciennement, il y avait des gens, ils étaient un petit peu froids, mais il y avait des principes. Puis c'était du monde droit pareil. Ils venaient à bout de mener des vies dignes. Puis, il venait à bout d'être honnête quand même. Même s'il était un petit peu moins émotif, au moins, il y avait des principes. Mais là, on dirait qu'il n'y en a plus de ça. Moi, juste le fait que, bon, il n'y aura pas d'enquête publique dans les CHSLD, puis personne ne dit rien, ça en dit long. Ça en dit long. Puis, regardez les liens entre la CAQ, M. Sirois, puis les CHSLD. Puis, il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a personne qui dira rien non plus. Puis ça ne va pas se régler parce que des braves gens décident que ça se règle. Ça va tout simplement, il va falloir attendre que, comme tout système mafieux, à un moment donné, il y a des guerres de succession. À un moment donné, bon, puis ça s'effondre. Je vis dans une ville ici, là, Il y avait un prêtre là, qui abusait des enfants pendant des décennies. Toute la ville le savait, puis les hauts personnages de la ville le protégeaient. Il y en a un notable, là, parlant de noblesse de robe, là. Lui, il faisait venir de la drogue par des petits avions, puis il n'y a pas jamais eu d'enquête. Il était protégé. Puis ça, je le sais. Je le sais des gens concernés. Il était protégé. Il y a du monde. Bon, c'est tout le temps comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que... Bon, je vais lire un petit peu, là. Le juge, en parlant, c'est une perte de... Ben oui, j'ai les avocats. Ben moi, vous savez, j'ai rien contre les avocats, mais c'est du monde. Donc, c'est du monde comme les autres. C'est des espèces de... Je veux dire, au niveau des processus psychologiques, ben, c'est des marionnettes, comme tout le monde. Fait que, bon, les sondages, une vraie farce. Moi, je vote démocratie directe. Ces personnes, bon, vous savez... Bon, on a eu la même histoire en France dans les résidences de personnes âgées, amerta totale. Ben oui, ben oui. On a affaire à des gens qui. On a affaire à un système de caste. Ça fait des siècles que c'est comme ça. Puis, les braves gens qui ont donné leur argent pour entretenir ce système-là, une fois qu'ils ne payent plus d'impôts puis qu'ils sont rendus âgés, ils n'ont aucune valeur aux yeux des gouvernants. Ils sont vus comme une dépense. Ben oui, mais c'est ça, un système pseudo-socialiste où c'est l'État qui est censé prendre soin des vieux, c'est extrêmement dangereux parce que c'est certain qu'ils vont gérer ça comme de la ressource. Donc, étant donné que ces gens-là signifient une perte de revenus, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? C'est certain qu'ils cherchent à euthanasier du monde. C'est certain. Pourquoi avoir peur de le dire? C'est ça qu'ils font. C'est vrai que dans un système mafieux, celui qui donne moins sa cote, il n'y a pas de valeur. Mais c'est évident. Donc, pourtant, là, on parle du monde qui en ont donné, là, qui ont payé des impôts toute leur vie. Duhem a bien dit que s'il était élu, il y aurait une enquête. Ben oui, mais il ne sera pas... Duhem, il ne rentrera pas majoritaire premier ministre, là. C'est pour ça, là. Je veux dire, dans le fond, là, vous vous imaginez quoi? Éric Duhem, je l'ai écouté des années de temps à radio, puis je considère que ça ne vaut pas mieux que les autres. Je suis désolé de dire ça, là. Ben oui, il était un petit peu plus à droite parce qu'il est influencé par les libertariens américains, puis pas. Mais au fond, il va être aussi plié en avant des mafias que les autres. Ils n'ont pas le choix. Ça peu importe qui rentre. Dans le fond, c'est juste si on décide, est-ce qu'on s'en va vers le trou plus vite ou plus lentement? Une enquête publique, c'est pas dur. Il y a juste les gens concernés. Si les gens prenaient leurs responsabilités, les gens, là, les familles qui ont eu des gens qui sont morts d'inanition dans les CHSLD, c'est à eux autres de financer, de se regrouper puis de financer une enquête publique. Une vraie enquête publique, ça va être une enquête faite par et pour le public. Ça ne sera jamais par du monde comme Duhem. Duhem, lui, il va suivre les directives de la structure en place, puis de ce que, par déférence, les gens sont habitués de se plier, puis par instinct aussi. Ils savent où il faut pas qu'ils aillent, mais ils sont pas stupides. Les gens qui sont morts avec trois couches de marde, qui sont morts d'inanition dans les CHSLD, ils ont choisi du monde que la famille s'en foutait. Ils ont choisi du monde qui était isolé socialement. Ils n'ont pas euthanasié n'importe qui de même parce qu'ils savent quand il va y avoir. Qu'est-ce que je pense de Pierre Poilievre? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Tu sais, est-ce que c'est important? Ben, je pense que c'est du théâtre, puis que il est comme les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est, ça va être peut-être moins pire que Trudeau, mais c'est reste que c'est parce que dans un théâtre, ça prend des protagonistes, ça prend des antagonistes, ça prend différentes personnes. Ben là, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, Pierre Poilievre? Ça m'impressionne pas, puis je pense pas que ça changerait grand-chose. Il était, lui, dans les mêmes affaires que les autres. Il est redevable à des gens. Il vient d'un milieu modeste. Pensez-vous que c'est rendu ce qui s'est rendu sans des coups de pouce? Bonjour, Léa. Voyons, il ne faut pas s'illusionner, là. Si Pierre Poilievre il a réussi à se rendre en politique, puis à devenir chef de l'opposition, puis à pas être carrément détruit par les médias, c'est tout simplement parce que il sert à catalyser la dissidence dans le fond. Le but, c'est tout le temps de catalyser la dissidence, de prendre l'énergie de la dissidence, puis d'y donner une direction pour pas justement qu'elle nuise trop. Prenez ER en France. Ça a été créé pour amener le vote des Maghrébins au FN, mais dans le fond, c'est encore une façon de catalyser de la dissidence. Comment ça se fait que ça a été financé par Philippe Péninque du Grand Orient de France, puis qui était mis avec un tel, puis un tel, puis un tel? Jamais saurais aller vous répondre là-dessus. Ces liens avec Philippe Péninque, c'est ça une fausse dissidence. Puis dans le fond, c'est tout de même. C'est du patronage puis du clientélisme. C'est-à-dire, ben, il y a des clients, il y a des patrons, puis ça marche de même. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans le fond? C'est plate, mais c'est ça. Soit tu rentres dans le moule quand tu es élu ou ils vont te tasser si tu es 100% intègre. Et bon, ben oui, puis ça, c'est si vous finissez pas une balle dans la tête. Dans le sens qu'il y en a dans les dernières années, ça s'est multiplié, des suicides du monde avec deux balles dans la tête. C'est des suicides. Prenez, en 2017, juste avant la crise du COVID, ceux qui avaient au Canada, ceux qui avaient les droits de production pour l'hydroxychloroquine, le couple Sherman, qui ont été assassinés dans leur maison. Puis que la police a dit, ah, ben, c'est un suicide, c'est un assassinat suivi d'un suicide. Il a fallu que la famille elle-même engage des enquêteurs privés, fasse des procédures pour démontrer que non, ce couple-là a été assassiné dans sa maison par des professionnels. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait les brevets pour le Canada, pour les droits de produire l'hydroxychloroquine. Puisque je vous parle là, ils ont été assassinés en 2017. Venez pas me faire accraire que c'est pas arrangé. Dans le sens que, puis les journaux n'en parlent pas, il n'y a personne qui en parle. Le couple d'arriérés mentaux dans l'ouest du pays que les SCRS leur ont joué dans la tête pour essayer de leur faire faire des attentats pour ensuite justifier ci puis ça, puis que ça a failli marcher. Ils ont jamais. Est-ce que les journaux en parlent? Personne n'est au courant. Dès que c'est important, il n'y a pas un média qui en parle. Dès que c'est réellement là, la réalité, le réel, il n'y a pas un journal qui en parle. C'est tout le temps de même. Bonjour, bonjour. C'est sûr que je ne suis pas de bonne humeur parce que c'est pas normal. C'est pas normal que la juge ait cru cette petite cave-là. Oh, j'avais le COVID. Mon avocate, elle disait, vous pouviez même pas prendre un intermédiaire, faire un téléphone, puis vous pouviez pas rédiger une note sur votre téléphone. Pour... Non, non, j'étais tellement malade. La juge, elle avalait ça. Calice de téléphone. Bon, ben là, je vais être obligé de mettre fin au live. Donc, bonne journée.